clair, obscur. Les musiques sont sur Rage. J'ai peur de rien et j'assume complètement mon côté gamin. Bienvenue ce soir dans Clair Obscur, mes petits corbeaux, mes petits condors, devrais-je dire plutôt, puisque vous avez l'intelligence d'être éveillés en cette heure tardive pour écouter votre émission des musiques sombres sur Rage. Alors, pourquoi est-ce que je commence ça par le thème des Cités d'Or qui rappellera aux plus anciens d'entre vous leur enfance et aux plus jeunes les souvenirs racontés par leurs grands frères et grandes sœurs? Parce que ce soir, comme vous l'avez dit la semaine dernière, c'est une émission consacrée à l'Amérique du Sud, tous les pays hispanophones du sud du continent américain, on vous l'avait promis et on s'y colle, à moi votre cher serviteur Stéphane, ainsi que ma collègue Nathalie, bonsoir. Bonsoir, mais je vous la ferai pas en espagnol parce que j'ai tout oublié moi depuis le bac, mais le cœur y est. T'as vu quelle note au bac? En espagnol? Pas oui. Grand chose. Je crois que j'avais eu la moyenne à tout racler quoi. Mais bon. Teliama, comment? Je sais plus là, non. Ouais, bref. Donc, on nous a préparé une émission sur l'Amérique latine, mais vous l'aurez compris, pas une émission en espagnol, puisqu'on est à peu près aussi nuls l'un que l'autre. Néanmoins, c'est avec grand plaisir qu'on vous ramène des groupes assez méconnus de cette partie du monde, et en particulier de cette scène d'art qui est assez méconnue, faut dire. Et pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, un morceau, un classique de la musique andine, que vous connaissez forcément à la flûte de Pan dans sa version originale, El Condor Pasa. Il se trouve que là, c'était repris par le groupe Salidos de la Crypta, un groupe du Costa Rica, et le nouveau morceau s'appelait, a été rebaptisé El Condor Ya No Pasa. Voilà. Voilà, non, il n'est pas passé, fini, au revoir. Et ce groupe de Psycho donc, se décrit non pas comme étant de la capitale, c'est-à-dire du Distrito Federal, mais du Distrito Sepulcral, pour aller encore un peu plus dans le délire propre Psychobilly, mais version Amérique du Sud. Et on va continuer avec un groupe issu de cette scène-là, avec les Voodoo Zombies, un groupe qui nous vient du Chili, et le morceau Camino de Sangre. Y el calor aún no se ha ido. c'était pour vous les Voodoo Zombies avec un morceau qui s'appelait Camino de Sangre, un groupe qui nous vient du Chili et qui se fait le porte-parole dans cette émission de la vitalité de la scène punk et psycho dans l'Amérique du Sud. Vous verrez au cours de l'émission qu'il y a des scènes qui sont particulièrement dynamiques dans cette partie du monde. On aura l'occasion d'y revenir et j'avais envie avec cette introduction dans cette émission de faire un coup de projecteur sur la scène punk et psycho qui est quand même assez vivace dans tous les pays d'Amérique du Sud. Alors, ce soir, on fait une dernière émission d'une trilogie qu'on a consacrée à l'Amérique latine. Et ce soir, elle est consacrée à l'Amérique hispanophone. Parce qu'on a fait le Mexique en novembre. En décembre, on a fait le Brésil. Le Brésil, oui, on vous a tenu chaud dans la tempête. Qui sont les deux pays majeurs, finalement, de cette partie du monde. Et ce soir, on a envie de s'attacher un petit peu à cette mosaïque de pays, de petits pays qui composent la carte de l'Amérique du Sud, dans lesquels il y a beaucoup de talents musicaux, mais on connaît plutôt les musiques traditionnelles. Tout à l'heure, je parlais de la musique andine, la flûte de Pan. Alors ça parle à tout le monde, mais évidemment, il y a des choses très très différentes et on va s'en faire un petit peu l'écho ce soir. Et la scène goth existe en même temps depuis assez longtemps dans ces pays-là, et en même temps, elle éclot depuis relativement récemment. Et c'est le cas donc avec les Voodoo Zombies, un groupe qui s'est créé au début des années 2000 et qui a sorti une démo en 2005, dont était extrait le morceau qu'on vient d'écouter, Camino de Sangre. Je suis fan du petit démarrage, comme si on posait un vinyle. J'ai trouvé ça plein de charme, de se mettre dans l'ambiance, j'ai adoré. Ben, tu sais que les disques tournaient beaucoup là-bas, mine de rien, avant l'internet, et du coup, ben, ils ont su garder ce cachet avec le son un petit peu qui a une tessiture très particulière du vinyle, quoi. Donc, finalement, on vient de vous passer un CD, mais ça avait la tessiture d'un vinyle. Ça avait décidément le goût du vinyle, l'odeur du vinyle, le son du vinyle, mais c'était pas un vinyle. Et en tout cas, c'était la rage de cette demoiselle qui vous réveillait en ce début d'émission dans Clair Obscur pour conclure la soirée rock sur Rage après nos collègues d'Underground Zero, de Tapage Nocturne et de 33 tours minutes pour revenir au vinyle. Maintenant, on était au Chili, on va remonter un petit peu vers le Pérou. Pérou qui est sans doute le pays majeur en termes de post-punk, bad cave et death rock. On n'a pas du tout cette image-là d'eux pourtant. Moi, quand j'ai fait des recherches, ça m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ça dans ce pays-là. Ben, en fait, c'est un pays un petit peu particulier. Déjà, quand il a été découvert, c'était vraiment... On connaît tous l'expression... C'est pas le Pérou. C'est pas le Pérou, c'est l'équivalent un peu de... C'est pas Byzance. Dire à quel point ce pays a été riche, a été la perle de l'Empire espagnol à l'époque où il a été découvert, et même avant d'ailleurs. Et c'est un pays qui a quand même une particularité parmi les pays andins. Et c'est vrai qu'on y retrouve déjà un métissage de population, des classes sociales un petit peu plus équilibrées que dans les pays alentours. Je pense à la Bolivie notamment. Et du coup, c'est un terreau relativement propice pour que les courants musicaux qui nous intéressent plus particulièrement dans cette émission, évidemment, y éclosent. Et c'est le cas avec le groupe que je vous ai ramené ce soir, Lima Terce. En français, on va dire Lima 13, qui est un groupe originaire, vous l'aurez deviné, de Lima, la capitale, et qui s'est créé dans les années 80, en 1984, et qui avait comme influence majeure Bauhaus, vous pourrez l'entendre, et qui, depuis, a tracé son bonhomme de chemin avec une régularité assez impressionnante, et qui font des trucs vraiment pas mal, dont le morceau que je vous ai ramené ce soir, Destinos contra la pared. Traicionará más, perdido entre las sombras más, intentando reír, procurando pensar, ignorando a dónde poder marchar, no sabiendo más qué poder hacer. Tu destino contra la pared, tu deseando siempre caer. Contra la pared. algo siempre caer. ¿A qué te importa tu dolor si has logrado vencer o llegado a caer? Tu silencio guardará para mí duras palabras que nadie escuchará. Vidas escritas en un papel, sin más que hablar, sin más que hacer. La misma historia se repetirá. No existió una oportunidad. Tu destino contra la pared. Tú deseando siempre caer. Tu destino contra la pared. Tú deseando siempre caer. Deseando siempre caer. Tu destino contra la pared. Deseando siempre voici la peau que les Indiens ont arrachée au dos de notre malheureux frère. Regardez. C'est sur ce parchemin qu'un prisonnier portugais a dessiné la carte des civils d'or de Cibola. Le mythique El Dorado. Messieurs, voici de modestes offrandes. Pour Saint-François et pour Saint-Dominique. Vous avez parlé de civils et elles sont six sur la peau de votre moine. Mais moi, je sais qu'il y en a sept. Qu'est-ce que t'en penses des synthétiseurs ? Terrible, mais c'est glucose ton truc avec ton système de Vesperac. Moi je pense que je vais faire une scission avec moi-même. Le son est quand même beaucoup plus analogique, tu trouves pas ? Écoute, c'est un petit peu glucose quand même, hein. Moi j'ai préféré l'aventurier. À l'instant pour vous, c'était Taxi avec le morceau El Aventurero. Vous l'aurez reconnu, évidemment, c'était une reprise d'Indochine. C'était enchaîné juste avant avec un autre groupe péruvien, Lima Terce, avec le morceau Destinos contra la pared. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Et en cadeau bonus pour ceux qui nous ont regardé à la webcam, ils ont vu deux barjots sautiller dans le bocal. Alors, que je vous... c'est vrai... que je vous décrive un petit peu les choses, et c'était entrecoupé pour en introduire un petit peu le thème de l'aventurier Bob Moran contre tout chacal. L'aventurier contre tout guerrier. Merci, tu connais tes classiques. J'ai grandi avec ce truc, donc... Et c'était un extrait d'un des films d'animation adapté des aventures de Corto Maltese qui partait sur la route des sept cités d'or, les cités de les villes de Cibola dans les Andes, pour en revenir au thème d'introduction de cette émission. Décidément, nos rêveries nous mènent assez loin. Et alors, sur Taxi, j'ai quand même quelques trucs assez sympas à vous dire. Déjà, c'est la preuve que Indochine a fait un carton qu'on imagine même pas au Pérou dans les années 80. Taxi s'est créé dans les années 80. Ils ont fait pas mal de reprises d'Indochine en adaptant les paroles, pas en les traduisant mot à mot. Et ils ont fait des covers comme ça. C'était un cover band d'Indochine, clairement. Je sais pas s'ils ont fait autre chose à côté, mais c'était vraiment sympa de trouver ça. C'était assez inattendu pour moi. Et ça m'a permis un petit peu de mettre le doigt sur la célébrité d'Indochine sur la scène péruvienne. C'est vrai que je ne m'attends pas du tout, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que si je pensais pas qu'il y avait un groupe qui se serait exporté là-bas, c'était bien Indochine. Chanson relativement à texte, même si c'est relativement des fois tordu, mais de là à le traduire, c'est original. Dans les années 80, on avait tendance à penser que les ambassadeurs de la culture française à l'étranger, c'était les Gypsy Kings. Heureusement pour nous, ou non, selon les points de vue, Indochine a aussi su substituer. Mais il faut dire que, comme on l'a déjà montré, on en a déjà parlé à l'occasion d'autres émissions, la scène Cold Wave française, bien qu'elle fût largement méconnue en France même, nul n'est prophète en son pays, elle a eu beaucoup de succès hors des frontières, et notamment en Amérique du Sud, où par le truchement de labels qui avaient des cassettes copiées à New York, qui eux-mêmes les tenaient d'un petit label à Londres, etc., ont réussi à se procurer des trucs comme le groupe de Valréas, Opéra de Nuit, par exemple. Opéra de Nuit est très connu au Pérou. Pas besoin d'internet, en fait. Hein. On va se débrouiller. Et ben, dans le Vaucluse, que dalle, personne ne les connaît, ou presque, à part quelques aficionados, c'est vrai que... Donc c'est un fait, la scène Cold Wave française des années 80 a eu vraiment une certaine notoriété dans ce pays-là. Et à propos de Taxi, il y a, sur le site sur lequel j'ai découvert ce morceau, c'était un gars qui racontait une petite anecdote assez sympa. Il y a quelques années, il se promenait dans les Andes à la recherche du Machu Picchu. Donc c'était un touriste, il parlait bien espagnol, donc il discutait avec les gens dans les villages dans lesquels il passait. Et un jour, il y a un petit vieux qui l'accoste et qui dit « Ah, monsieur, vous venez d'où ?» etc. Il avait ses petits-enfants à côté, c'était vraiment trognon, quoi. Et le gars, il dit « Ah, je suis français !» Et là, t'as le petit vieux, 70 piges au compteur, qui commence à chanter « Ah, vous êtes français, mais vous connaissez Indochine, c'est un canal, eBay !» Et à côté, t'avais les minots qui faisaient « Ouh, ouh !» Il faudrait le filmer, un truc pareil. Et alors moi, je l'ai lu dans l'article du gars, mais j'étais mort de rire, et c'est vraiment phénoménal, quoi. Donc, Indochine a vraiment eu beaucoup de succès là-bas, aux grandes dames des autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques, parce que politique, c'était... À l'époque, c'était des partis d'inspiration marxiste qui voyaient d'un mauvais œil tout ce qui venait de l'Occident, pas seulement de la France, hein, de l'Occident. Même au niveau moral, est-ce que ça coinçait pas avec certaines de leurs paroles ? Parce que des fois, quand tu traduis, c'est pas que c'est limite, mais... Non, mais je suis bien d'accord avec toi, le côté un petit peu ambiguïté sexuelle d'Indochine... Le Canary Bay, voilà, il n'y a pas que celle-là, mais ça lui plaît, hein, Nicolas. Non, t'as mis le doigt dessus pour prendre une métaphore fort inappropriée. Tu as mis le doigt dessus puisque... l'époque, à cette date-là, eh bien, il faut croire que les autorités n'avaient pas vraiment le choix devant le succès d'Indochine dans le pays. Ils remplissaient des stades, c'était complet, et les autorités religieuses, comme les autorités politiques, bien qu'ils ne fussent pas tout à fait du même bord, faisaient vraiment la gueule. Et en tout cas, le succès ne se dément pas, puisque quand tu peux t'amuser à le faire, hein, si tu contactes des Péruviens pour leur parler de musique post-punk, cold wave, deathstroke, etc., ils te parleront fatalement, à un moment ou un autre de la conversation, d'Indochine. C'est donc fort, ça. Voilà, c'est quelque chose à savoir, c'est quelque chose que ça m'a fait plaisir d'apprendre. Et maintenant, on va quitter un petit peu cette scène-là pour aller vers des choses un petit peu plus métalliques, un petit peu plus brillantes et un petit peu plus tournées vers l'Europe. L'Europe, dans ce qu'elle a de ses racines. racines, puisque c'est avec un groupe argentin. Donc je ne vous apprends pas que l'Argentine est un des pays les plus tournés vers l'Europe en Amérique du Sud. Le tango en est la preuve. Et là, par contre, ce n'est pas du tout du tango que je vous ramène, puisque c'est du folk metal. Un groupe qui s'appelle Tanguar, avec un extrait de l'album Marching South que je vous propose d'écouter pas plus tard que maintenant. Marching South, un extrait de l'album The Pilgrim's March par le groupe Tanguar. Non, non, ce n'est pas un groupe allemand que Nathalie vous ramène lors de son quart d'heure médiéval. C'est bien un groupe argentin que Stéphane vous ramène à l'occasion de cette émission spéciale consacrée au groupe hispanophone de l'Amérique du Sud. Une dernière émission qu'on consacre à cette partie du monde ce soir. D'ailleurs, je rappelle que si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur Rage dans Clair Obscur et vous nous écoutez sur le 90.3 dans le Vaucluse, sur le 102.5 dans le Gard et l'Hérault, et un petit peu dans les Bouches-du-Rhône, pas autant qu'on voudrait, mais c'est pas grave. Et sinon, du côté de Buenos Aires, de Lima, de Valparaiso et j'en passe, vous nous écoutez sur le www.rage.fr. Et un besos à qui ? Et on salue ceux qui nous sont sur la chatbox ou qui nous écoutent aussi via le net, parce que je sais qu'il y en a, parce que ce soir tout fonctionne très bien. Donc c'est agréable. N'est-ce pas? Et toi alors, tout à l'heure je disais qu'il y avait des scènes qui avaient plus de succès que d'autres dans cette partie du monde. On a parlé du psychobilly tout à l'heure, on a parlé un petit peu du métal, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et toi tu vas nous illustrer avec force... on va passer au quart d'heure bruit en fait, voilà, ce que j'appelle, parce que la scène EBM et électro qui est très très vivace dans cette partie-là. Très très vivace, et à la fois paradoxalement j'ai eu des coups de cœur sur pas mal de trucs, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses un petit peu originales. Parce que comme il y a beaucoup de groupes type Ossico, Amdoucia et autres qui sont extrêmement présents sur cette scène-là, on trouve malheureusement beaucoup de clones de ces groupes-là et il faut gratter un peu pour trouver une certaine originalité. Bon, souvent c'est des groupes qui sont relativement jeunes, donc on sent l'inspiration. Ils finissent par trouver leur petit bonhomme de chemin et on arrive à des choses intéressantes. Alors après, la difficulté aussi, c'est de trouver des morceaux de bonne qualité, parce que souvent on a l'impression qu'ils enregistraient ça dans le garage ou en soirée. Et pour vous le diffuser, il faut que ce soit écoutable, qu'on n'ait pas l'impression qu'ils aient fait ça avec synthé MIDI, comme on disait hors antenne tout à l'heure sur pas mal de trucs. Avec un display rack. Voilà, c'est glucose, sinon ça passe pas. Et par contre, une fois que cette identité est affirmée et qu'ils ont trouvé leur voix, on a des trucs qui arrachent les oreilles. Et franchement, moi, c'est des choses que j'aimerais entendre en soirée. S'il y a des DJ de soirée d'art qui nous écoutent, sérieux, piochez là-dedans parce que c'est le bonheur. Et Stéphane s'est fait avoir parce qu'il a le téléphone qui sonne. Si vous l'avez entendu, moi je l'entends dans le casque, donc je suis pas la seule à mon avis. Non mais ça, on sait que c'est le Stéphane de Tapage Nocturne qui nous envoie des petits textos spam, ouais. Salaces, notre premier auditeur le plus fidèle et on lui fait poilu. Des gros bisous. Et le plus poilu. Et pour en revenir à cette scène EBM électro assez importante, encore qu'assez inégale comme tu l'as souligné, tu nous ramènes un groupe du nom de Projecto Crisis. Tout à fait, on va commencer avec Projecto Crisis et avec un morceau nommé Sueños Robodas et qui est un morceau relativement violent, mais c'est pas le pire, vous allez voir, donc on vous en met plein les oreilles, vous êtes ce soir dans Clair Obscur, spécial Amérique Latine. Limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia. clair-obscur. Des musiques dark sur Rage. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Bienvenue dans le joyeux monde, enfin joyeux, de l'EBM d'Amérique du Sud avec à l'instant Proyecto Crisis, Sueño Robados, un groupe qui vient du Chili, Santiago du Chili, et suivi derrière de Punto Omega, là par contre groupe qui vient d'Argentine et qui est peut-être moins original mais qui a en commun la thématique avec nos amis de Proyecto Crisis, une grande affection pour le côté fin du monde, post-apocalyptique, survivance humaine et tout ce qui est à côté. Bon, tu me diras, c'est sûr qu'ils vont pas parler des petites fleurs et tout pour de l'EBM, mais eux, ils sont vraiment très très fanas de ça. Mais il faut croire que les musiques bourrin, en règle générale, ont droit de cité en Amérique du Sud, puisque tout à l'heure, je suis passé très rapidement sur la scène métal. Elle aussi est très vivace, que ce soit en référence à des groupes d'Amérique du Nord ou bien des groupes scandinaves, mais aussi avec une scène black metal assez intéressante. Alors, je vous en ai pas ramené ce soir par manque de temps, mais j'ai entendu parler d'un groupe qui a une démarche intéressante. Tout à l'heure, Mireille, vous parlez de Finn Troll, Finnois, donc les Finlandais dans Tapage Nocturne. Eh bien, il y a un petit peu un équivalent là-bas. Il s'appelle Ayawara et c'est un groupe péruvien, là encore, qui inclut les influences Inca. Ayarawa, en quechua, ça veut dire le vent de la mort. Et donc, quechua est la langue des Incas. Et pas la tente, hein, je précise, parce qu'il y en a qui vont se planter encore. Le vent de la mort ? Non, quechua, c'est une marque, un distributeur de sport. Il faut pas dire des marques. Je n'ai pas précisé le quechua. Quechua, c'est une très jolie langue de la cordillère des Andes. Et pour en revenir à la musique qui nous intéresse, c'est vrai qu'il y a une scène black metal assez qui s'inspire finalement de leur tradition précolombienne et qui est assez vivace là-bas. Encore que c'est un son assez radical que j'avais pas forcément envie de vous imposer dans les oreilles ce soir. Mais Nathalie nous a ramené quand même du brutal, comme disait Lino Ventura, avec un autre groupe qui vient d'Argentine, je crois. Là, on va être au paroxysme finalement du côté violent, pas dans le registre métal. Et c'est aussi les plus connus sur la scène. C'est vraiment les premiers qu'on trouve quand on fait des recherches sur l'EBM Amérique latine. C'est Lush Boya qui sont d'Argentine. Et qui sont vraiment les plus connus. Donc, moi, ils sont très copains avec Ossico, ils sont très copains avec Amdoucia, donc ça doit faciliter aussi. Mais ils ont beaucoup travaillé ensemble, d'ailleurs. Mais ils ont l'avantage quand même d'avoir gardé un certain son qui est bien perso, là où d'autres auraient fait voilà, du clonage pur et simple. Et ce son, moi, je suis extrêmement fan. J'ai découvert quelque chose que je vous conseille de vous pencher dessus. C'est vraiment, il y a un son organique dans l'EBM, douleur et tout. Enfin, que voilà, ça défoule. Moi, ça me fait penser à de très très bonnes soirées. J'invite les DJ à y aller, à se pencher dessus, parce que ça nous changerait d'être toujours les mêmes morceaux et on se ferait un grand plaisir. Et ce soir, je vais vous passer un extrait de leur principal album le plus connu, nommé Sendero del Panico. Et le morceau porte exactement le même nom, Sendero del Panico, dans vos oreilles, dans vos canines, ce soir dans Clair Obscur. Thank you. Oui, c'est du bon. Moi, j'adore, je suis fan. C'est ça, réveil. Franchement, c'était du violent, du bien sanglant, du bien lourd pour vos oreilles ce soir. Un petit côté scène métal, je veux dire, indus lourde. Pardon, métal, tu vois, je suis partie parce que Stéphane nous envoie des messages, il me déconcentre. Voilà. Il dit que le métal du Pérou pète. Classe. Voilà, c'est un calembour à la tapage nocturne. Et finalement, maintenant, tu vas nous ramener vers des contrées un peu plus électriques un groupe de goth rock. Un groupe de goth rock, je vais y arriver, nommé Draconian Incubus, qui s'amuse volontairement à jouer avec le petit côté caricature. Alors, si vous avez 30 secondes de libre, allez sur leur MySpace. Ça fait très boys band, mais version gothique. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a le mec avec le perf et les lunettes, un peu métalleux. Il y a le côté androgyne. Enfin, voilà, c'est une belle brochette sur fond noir et blanc, c'est assez sympa. Et leur musique est relativement travaillée, avec une volonté par contre, alors je le dis pour ceux que ça peut déranger, volontairement anti-religieuse, c'est placardé partout. Hein, donc ne pas s'étonner quand on voit les titres. Le titre justement s'appelle Slave of My Lust, classe, délicat, poétique. Clair Obscur, l'émission des musiques dark. ¿Qué haces acá? Lo estoy esperando a él. ¿Sabe? Claro que sabe. Me pidió tomar un submarino por última vez. Siempre con gente joven. Te gustan los pendejos. Muerte puta. Muerte cruel. Muerte al pedo. Muerte implacable. Muerte inexorable. Misteriosa muerte. Muerte súbita. Muerte accidental. Muerte en cumplimiento del deber. ¿Qué sería de vos sin mí? C'était un extrait d'un très très beau film El Lado Oscuro del Corazón, le côté obscur du cœur. Alors nous on vous passe le côté obscur de la musique, et j'avais envie de faire un petit retour sur ce film magnifique que je vous encourage à voir, un film argentin qui a été produit dans les années 90 par Eliseo Subiela, et c'était enchaîné avec Draconian Incubus et Slave of My Lust, un morceau que vous avez ramené Nathalie, avec Hiroshima et le morceau Matando Sueños, un groupe argentin là encore qui avait sorti ce morceau-là sur l'album Gala en 1987. Voilà, on arrive à la fin de cette rétrospective consacrée à l'Amérique latine au cours de 3 émissions qui, je l'espère, vous auront intéressé. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à les faire. Et beaucoup de mal à choisir les morceaux. On en aurait passé 10 fois plus, je crois, avec un grand plaisir. Je voulais pas le dire, mais tu as raison, c'est la vérité. On a dû faire un choix cornélien, mais tous les morceaux qu'on n'a pas pu vous passer dans les 3 précédentes émissions, on vous les passera un petit peu plus tard. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. On va se quitter avec une des musiques emblématiques de l'Amérique du Sud. Quand on pense à l'Amérique du Sud, on pense à l'Argentine, on pense à Buenos Aires et on pense bien sûr au tango. Une pensée triste qui se danse, comme disait Jorge Luis Borges, l'écrivain que je n'ai jamais lu, mais je compte bien le faire un de ces jours, sinon je vais avoir l'air d'un con dans les milongas. Et, La tournure est belle en tout cas. Allez, on vous laisse avec Vuelvo el Sur, une reprise d'Astor Piazzolla, et on vous dit à la semaine bonne prochaine. Bonne nuit, bye bye. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor.